Soyons solidaires. Rendez-vous à compter de 17h30 à la place de l'Université du Québec, boulevard Charest-Est à Québec. Départ de la marche à 18h30. Le 10e numéro de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture signée Aubaume, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline Soucy nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnais tremble face à un écureuil carnivore et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques bouffe de Cyril Doisneau et cinéma de Julie Delporte. La revue Planche, en librairie dès maintenant. Soir à l'aérospatiale, le collectif Bling Bling à Espace Parenthèse, Faux Mouvement d'Annie Descoteaux à la Galerie 3, Faux Site de Gisèle Amantea et One Stack, Three Stacks de Christopher Boyne au Centre Vue. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio en art visuel à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. J'entends la France au micro avec vous ce soir. Audrey Carreau se trouve actuellement à la foire papier, donc elle ne peut pas être avec nous en studio. Et donc, on a un beau programme aujourd'hui à l'émission. En première moitié d'émission, on va avoir Annie-Charlotte Thibodeau, notre chroniqueuse, qui va recevoir Mathieu Fecteau et Lauriane Thibodeau pour parler de l'exposition du collectif Caravane Bling Bling. Une exposition qui est présentée actuellement à Espace Parenthèse au Cégep de Sainte-Foy. En seconde partie d'émission, je vais recevoir Anne-Marie Proulx, qui est co-directrice du Centre Vue. Donc, on va avoir l'occasion de discuter des expositions Faux Site de Gisèle Amantea et One Stack, Three Stacks de Christopher Boyne. Donc, les deux expositions qui sont actuellement en cours à Vue Photo au Centre Méduse. Et puis, en fin d'émission, on va recevoir l'artiste Annie Descoteaux à l'autre bout du fil pour s'entretenir de son exposition Faux Mouvement qui est actuellement présentée à la Galerie 3. Donc, une exposition tout en collage de papier coloré aux formes inspirées du quotidien et aux couleurs acidulées. Donc, on va avoir l'occasion d'en savoir un peu plus en seconde moitié d'émission. Et on va terminer, évidemment, avec l'agenda de la semaine. Je débuterai d'abord par un petit mot pour souligner les nominations des artistes de la présélection du prix Sobé. Pour la province de Québec, parmi les 5 artistes proposés, il y a Kim Waldron de Montréal, mais les 4 autres artistes sont des artistes de Québec, donc Annie Baillargeon, Ludovic Bonnet, Jacinthe Carrier et Dan Brault, donc tous les quatre qui vivent et travaillent à Québec. Donc c'est le fun, c'est une belle reconnaissance pour la qualité du travail de ces artistes évidemment, mais également une belle reconnaissance pour le milieu des arts visuels de la belle ville de Québec qu'on sait très dynamique. Je vais vous laisser pour une petite pause audio. Simon Roy cette semaine nous a proposé donc des extraits de la compilation de l'étiquette web russe NMN Records qui propose des musiques ambiantes dans le tempo. Donc on commence avec un extrait du titre Cryogenic Dream de Mushroom Wave Color. Bonne écoute. Thank you. Alors, de retour en studio à l'aérospatiale, nous avons avec nous Annie-Charlène Thibodeau. Bonsoir. Bonsoir. Et des invités spéciaux, donc Lauriane Thibodeau. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Fecteau. Salut. Ça va bien? Oui. Ça va très bien. Toi, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va vite. donc, Annie, je t'ai un peu mandatée pour... non, c'est toi qui nous as proposé de faire une chronique sur l'exposition du collectif Caravane Bling Bling. Et on est allé au vernissage et on a eu cette belle idée de nous entretenir en studio avec les membres du collectif pour en savoir un peu plus. Donc, Annie, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition qui a cours actuellement à Espace Parenthèse? Oui, certainement. En fait, il s'agit d'un projet qui est coordonné par Lauriane et Mathieu, qui sont avec nous ce soir, dont on reconnaît le vocabulaire dès qu'on entre dans l'espace d'exposition, notamment dans le thème de l'enfance, dans l'idée du jeu. Mais c'est aussi une exposition qui fait place à une bonne liste d'invités. Donc, au premier coup d'œil, dans la galerie Espace Parenthèse, on aperçoit une série d'éléments tridimensionnels assez variés là, pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu l'exposition. Donc, notamment un ours, un sous-marin, même un volcan, qui sont reconnaissables par la forme, mais qui sont tous recouverts d'une bonne couche d'argile crue. La couleur assez terne de la terre, un peu beige grisâtre, vient se fondre avec le terrazzo, avec les colonnes de béton aussi, de l'espace de diffusion. Puis, ça vient rapidement piquer notre curiosité. En s'approchant ensuite des objets, bien, on découvre à notre grand plaisir que ce sont des structures qui abritent des œuvres d'artistes invités. Donc, on a accès à ces œuvres-là par l'entremise d'hublots, d'un périscope ou de judas optiques qui sont fixés à même les structures. L'ours, le volcan, le nuage ou le sous-marin deviennent à ce moment-là des stations à découvrir, un peu comme un parcours. Lauriane et Mathieu, est-ce que vous pouvez un peu nous parler en fait de l'élaboration de ce projet-là? Comment est-ce que c'est né, cette collaboration-là, mais aussi la mise en contexte, le rapport avec les artistes invités? Eh bien, j'y vais. Allez, Lauriane. Donc, en fait, on a déposé un projet à l'Espace Parenthèse déjà 2015, en fait. Ça fait déjà un bon moment. Et l'exposition a été acceptée. Donc, le collectif a proposé une exposition très... qu'on souhaitait immersive, en fait. On voulait vraiment... on souhaitait profondément déstabiliser les passants. Donc, l'Espace Parenthèse... pour ceux qui connaissent pas, c'est un espace galerie qui est entre le couloir un des couloirs du Cégep Sainte-Foy puis la bibliothèque. Donc c'est un lieu vraiment de passage. Mm-hmm. Expressément. Et très très très ouvert, très vitré aussi d'un très côté. Très vitré, tout à fait. Donc là on a occupé l'espace avec des sculptures justement en lien avec le lieu, mais donc le projet était un peu vague et l'Espace Parenthèse a embarqué là-dedans vraiment à fond la caisse. C'est sûr, l'espace, c'est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui, eux, passent là assez rapidement. Donc, nous, notre idée de base, c'était vraiment de piquer leur curiosité, les amener à rentrer dans l'exposition, puis à découvrir des choses. Fait que notre idée de base, c'était vraiment ça, c'était assez large. Les déranger un peu. Les déranger, puis les amener à se promener là-dedans, avec nos petites surprises qui nous sont propres, là, les petites étincelles. Ça fait aussi partie du mandat de la galerie, en fait, d'exposer les étudiants à vraiment un large éventail là, de propositions, mais là, à ce moment-là, vraiment quelque chose qui leur donne envie, pas seulement d'utiliser ce lieu-là pour se rendre à la bibliothèque, mais vraiment de prendre un temps d'arrêt. Puis à ce moment-là, ben votre exposition, c'est vraiment ce que ça suggère. Là, on a vraiment plusieurs espaces à parcourir assez longuement. C'est une galerie aussi qui est vraiment l'idéal pour essayer des affaires. La directrice est vraiment trippante. Puis une grande liberté. Elle nous a laissé beaucoup de liberté pour s'amuser. Ouais. Nous, c'était notre première collaboration aussi qu'on faisait ensemble. On se connaît depuis un petit bout de temps. Puis donc on voulait vraiment s'amuser. On voulait voir ça comme une expérimentation. Place d'expérimentation. Vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû changer de plan de match quand même relativement dernière minute environ. Un mois avant l'expo. Puis à ce moment-là, on s'est questionné, moi puis Mathieu, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste quelques semaines et tout et tout. Puis l'idée est venue d'inviter des amis artistes, donc des gens qui sont proches de nous, à s'inclure, ou en tout cas qu'on souhaitait inclure dans l'exposition. La sélection s'est faite vraiment naturellement. On est allé vers des gens qu'on connaît. Mm-hmm. Puis ça s'est adonné, on s'est rendu compte de ça, que c'était tous des amis qui étaient techniciens. Techniciens pour d'autres artistes, puis qui avaient tous passé par les métiers d'art, soit en sculpture, en céramique, textile. Et puis, donc c'était une communauté qui était assez uniforme. Assez puis tissé, là. qui aime ça faire des choses, qui est technicien, donc qui sait travailler très bien, mais qui aime ça s'amuser. En dehors des, ouais, des contrats, on aime ça essayer des nouvelles affaires. Donc, c'était vraiment de mise pour faire un projet de ce type-là, où on les amenait dans un peu quelque chose de flou. C'était flou même pour nous. Exactement. Il y a quelque chose d'assez inconfortable aussi pour les artistes dans cette collaboration-là, parce qu'il y a une espèce de non-respect, puis là, je suis en train de faire des guillemets dans les, dans les airs, là, de l'intégrité de leurs œuvres, si on veut. Fait de l'intégrité de la présentation, en tout cas, pour sûr. C'est pour ça qu'on les a tout naturellement choisis. Tu sais, quand Mathieu dit que ça s'est fait tout naturellement, en fait, on est allé vers des gens qu'on, finalement, qu'on savait aventuriers, tu sais, qui allaient, qui allaient probablement embarquer dans le projet. Puis en effet, ils nous ont fait confiance. Puis ça, moi, je m'en suis rendu compte beaucoup durant le montage, là, que tout à coup, hey, c'était quand même très hot que les copains artistes nous aient, nous prête une œuvre que eux ont choisie, que nous on n'a pas choisi du tout. Donc ils ont fait leur sélection. C'est eux qui choisissaient l'œuvre. Tout à fait. Et puis c'était quoi les contraintes par rapport au choix d'œuvres des artistes? Il fallait que ça rentre soit dans un sous-marin, soit dans un volcan, soit dans un nuage. Donc les structures étaient déjà faites ou réfléchies au préalable. Oui, réfléchies. Oui. Donc les structures n'ont pas été faites autour des œuvres. Pas, non, par exemple, bon, le sous-marin, c'est un très bon exemple. Il était déjà fabriqué. C'est une des structures qu'on a fabriquées en atelier. Il y en a plusieurs qui ont été fabriquées sur place, selon les dimensions des œuvres. Mais le sous-marin, bon, devait être habité par une certaine œuvre. Puis finalement, rendu sur place, ça s'est modifié. Donc, tu sais, quand je dis que rendu au montage, j'ai vraiment constaté que nos amis artistes étaient drôlement aventuriers. C'est que ils nous ont fait ben vraiment pleinement confiance. Puis ça s'est structuré un peu comme ça. Puis ils ont fait un peu confiance au projet aussi, parce qu'il faut dire qu'on met en valeur leur travail en les cachant dans une grosse structure. Oh oui. C'est un peu particulier quand même. Mais c'est que ça impose des points de vue aussi. Donc on a quelque chose de très frustrant aussi en tant que spectatrice, Annie, moi, de se retrouver dans ces œuvres. De pas avoir accès à tout. Oui, de se retrouver devant ces œuvres-là, de ne pas pouvoir avoir ces classiques points de vue. On avance, on recule, on regarde la texture, on peut faire le tour, on peut se mesurer le corps face à l'objet et tout. Il faut dire qu'on vous a frustré. Oui, là, oui. Mais moi je trouve ça le fun, c'est ludique parce que les œuvres en fait sont aussi des œuvres sculpturales, donc on n'a vraiment pas accès à l'ensemble là, des points de vue comme tu le mentionnais. Oui, c'est ça, on aime faire le tour quand c'est une sculpture, alors que là on avait deux points de vue, trois points de vue très rapprochés, parfois déformés par le Judas. Donc c'est assez intéressant. C'est pour ça que je dis que les artistes, il y a vraiment une espèce de confiance qui venait aussi avec cette collaboration-là. Oui, tout à fait. Puis quand Mathieu précise qu'ils nous ont fait confiance parce qu'ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient exactement, c'est parce que même pour nous, comme c'est la première fois qu'on le réalisait, les idées étaient là, les images étaient là, mais c'était quand même sur place que ça allait beaucoup se définir, ne serait-ce que formellement. Là. Mm-hmm. Puis même dans les premières réunions avec ces artistes-là, ils nous demandaient, oui, mais est-ce que justement vous voulez choisir l'œuvre? Est-ce que vous voulez donner un thème? Puis notre collaboration, c'était vraiment pas à ce niveau-là, c'était vraiment d'essayer cette espèce de melting pot. Qu'est-ce que ça peut créer? C'était un peu party. C'était vraiment fête de même nous d'être surpris, en fait, du choix de l'artiste, parce que plusieurs de ces artistes-là qui ont des pratiques multiples, donc interdisciplinaires, tu sais, donc est-ce que ça allait être 2D, est-ce que ça allait être 3D? C'était même jusque-là, on n'avait pas trop d'idées, jusqu'à ce qu'ils nous transmettaient le format de l'œuvre, puis là, après, on voyait où on pensait que ça allait être positionné. Mais c'est pour ça, comme on parle ensemble aussi, Lauriane, le soir du vernissage, ça prend pas la tournure d'une appel à projet, c'est vraiment un appel à collaboration, en fait. Vous travaillez, vous mettez en espace les œuvres des artistes qui souhaitent participer, mais c'est vraiment une collaboration qui se crée aussi avec eux. Ben nous, on l'a toujours vu comme une expo collective, finalement, à partir de quand on a vu que les artistes acceptaient d'embarquer. Donc, c'était devenu, évidemment, une expo collective. Puis, ça s'est fait vraiment dans cet esprit-là de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Même lors de la première réunion, on leur a dit, bon, voilà l'idée, ce serait des structures, des coquilles, puis à l'intérieur se trouveraient vos œuvres. Mm-hmm. Mais si vous avez envie de sortir de ça, nous autres, on est partants. Puis, tu sais, comment vous répondez à ça? Il faut dire aussi que le processus de fabrication avec la boîte à la fin, là, dans les derniers jours, on mettait de l'argile crue sur les formes. ce petit côté-là, il y avait quelque chose de très festif aussi, qui était très amusant. Il y a des artistes qui sont venus nous aider. Puis c'était vraiment... c'est une partie de fête. C'était une fête. T'aimes une ça, fête hein, la Mathieu, la boîte. Moi, j'aime beaucoup la boîte. Ah, moi aussi, j'aime ça, la boîte. C'est Ariane, la saison. Une super céramiste. Non. Oui, oui. Mais là, on parle des artistes tout à l'heure, puis je me rends compte qu'on les a pas nommés. Mais on va prendre une petite pause audio, puis après ça, on va parler des artistes. Parfait. Donc, c'est un extrait de The Labyrinth de l'artiste Obotech. De retour à l'aérospatiale, toujours en studio avec moi, Annie-Charlotte Thibodeau, Lauriane Thibodeau et Mathieu Fecteau. On continue à parler de l'exposition du collectif Caravane Bling Bling à Espace Parenthèse. Donc, juste avant de partir en pause audio, Lauriane, tu me disais, ben là, il faudrait qu'on parle des artistes, ben oui, parce qu'on a parlé du processus, on a parlé des structures et tout, mais qui sont ces artistes-là que vous avez invités à collaborer? Qui ont embarqué dans la caravane, on a Marie-Fauve Bélanger, Guillaume Côté-Roux, on a Camille Cyr, Marie-Claude Drolet, Mathieu Gauthier, Julien Lebargie, Mathilde Leveau, Nicolas Maisonneuve, Émilie Proulx. Donc c'est eux les artistes aventuriers qui ont embarqué dans cette aventure surprenante, même pour nous. Ben oui, puis dans un sens, c'est eux qui ont les œuvres, parce que nous autres, on a fait des coquilles qui est autour, mais on n'a pas... En tout cas, c'est pas près de nos pratiques... spécifique à toi puis moi. On a vraiment fait des coquilles, on a sorti vraiment de ce qu'on fait d'habitude, puis ces coquilles-là, elles mettent en valeur le travail des autres. Ouais, on cache leur travail, puis on les met en valeur. On est drôle comme ça. De cette façon-là, je voulais dire, comme ça, à la radio, ça peut sonner un peu pizza, le fait qu'il y ait autant d'artistes dans une même salle, mais quand on rentre, c'est vraiment cette espèce d'univers-là, grisâtre, d'argile crue. En fait, c'est assez uniforme. Il y a beaucoup de gens qui nous parlaient un peu, ça a l'air un peu d'un site archéologique ou... Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de post-apocalyptique, mais c'était à la fois primitif en même temps, tu sais, il y a comme... Exact, mais c'est vraiment l'effet de l'argile crue. Excuse-moi, Annie. Un peu déserté aussi, là, comme environnement. Oui, c'est très aride, très monochrome. On reconnaît certains, ben, même probablement à peu près tous les objets, bon, des nuages, maisons, tout ça. Mais l'aspect, l'argile crue apporte un espèce d'aspect de vestige, puis on se demande un peu ce qui s'est passé. Quand on devine qu'il y a des œuvres, puis que finalement, chacune de ces coquilles-là est une station, ton terme, j'aime bien, Annie. Là, on va de station en station pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Puis là, on découvre une espèce de monde parallèle. Ça, c'est un des commentaires vraiment intéressants que j'ai trouvé lors du vernissage. Donc, un monde parallèle, souvent coloré à l'intérieur. Mm-hmm. Éclairé aussi. Éclairé, il y a une lumière qui sort par le hublot, donc ça nous invite à aller... Il y a même une œuvre disco, en fait, faut le dire. L'œuvre de Julien Lebergé est complètement disco. Oui, donc, oui, c'est très, très parallèle à cet aspect archéologique et vestige à l'extérieur. Donc on disait tout à l'heure également que c'est tous des artistes qui sont passés par la Maison des métiers d'art, c'est ça, le programme de sculpture. Mais on a peu de subventions, mais est-ce qu'il y a une chimie particulière qui se passe dans ces cours-là au sein de cette école-là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se lient comme ça, de collaborations qui se poursuivent par la suite? Ça a bien l'air. On n'a pas le choix de dire que oui, parce qu'on se regarde, mon Mathieu, mais on est vraiment allé vers des amis proches, donc qu'on savait prêt à embarquer dans un projet un peu abstrait. Puis finalement, oui, dans le fond, vraisemblablement on a des affinités qui font qu'on continue à se voir en dehors de ces études-là qu'on a faites. Je pense qu'on a une envie aussi de questionner nos façons de faire, nos méthodes de production, plutôt que une œuvre finale. C'est intéressant tout à l'heure. C'était vraiment le jeu de... Quand tu disais que c'était beaucoup des techniciens, ces amis-là, c'est entre autres. Donc là, on leur offrait l'opportunité d'embarquer dans un projet fou, là, puis ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont embarqué dans cette petite bulle de bling-bling. Peut-être commun aussi à toutes vos pratiques, le plaisir de faire aussi, là, la recherche dans l'action, qui a pris forme au montage d'exposition, mais qu'on sent quand même, là, en parcourant l'exposition aussi, là. C'était une grosse partie aussi de montage, là. C'était quand même une fabrication de plusieurs structures, toute la partie argile, la partie électricité aussi. Donc, il y avait beaucoup de prendre possession du lieu et de s'amuser là pendant une semaine. Là. Oui, le lieu est quand même très bien occupé, on s'entend. Hein? Il y a combien de pièces, en fait, en tout? On a 9 stations, en fait. Des stations. Ouais. On a 9. Puis comme il y a des volumes plus petits, il y a plusieurs volumes quand même assez gros, on occupe en effet beaucoup l'espace. Notre idéal, là, on aurait aimé occuper encore vraiment plus l'espace. Jusqu'au plafond, mettons? On a parlé des murs, là, dernièrement, mais bon... C'est ça, il y a vraiment un potentiel avec cette idée des structures-là. Comme elles sont toutes monochromes, c'est loin de faire justement pizza. Là, on arrive dans l'environnement, puis comme c'est monochrome, on perçoit les volumes, puis c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Donc, on pourrait se permettre d'aller vers des très gros formats, en fait. Puis pour nous aussi, on a vraiment découvert quelque chose avec la structure de bois, tissu et corde et argile. Là, il y a vraiment... chose de le fun qu'on va continuer à exploiter. Là. Oui, ben c'est une façon d'unir vos deux compétences, je dirais. Là. Donc, on pense au travail de Mathieu Fecteau, on pense aux structures, on pense au travail de Lauriane Thibodeau, on pense évidemment à ta pratique de céramiste, mais il y a aussi toutes ces œuvres pleines de dégoulinures. On reconnaît quand des même. Des structures précaires, tout oui, ça, des structures, qu'on exploite. Oui, c'est ça. Donc, même si ça ne ressemble pas tant à vos œuvres en tant que telles dans vos pratiques personnelles, on reconnaît vos intérêts, vos pratiques dans cet amalgame-là qui est le collectif Caravane Bling Bling. Oui, tout à fait. Puis le fait que en voyant la tournure du projet, la tournure que le projet a pris dans le dernier mois, finalement, avant le montage d'expo, le collectif Caravane Bling Bling prend vraiment plus son sens même. Parce que là, on a invité des artistes qui ont embarqué dans la caravane finalement. Puis il y aurait moyen que, si on le souhaite, justement, qu'on propose ailleurs, même dans d'autres villes ou hors de la province, puis qu'on invite finalement des artistes sur place qu'on ne connaît pas, mais dont le travail pourrait se retrouver dans ces modules-là, même si certains travaillent la vidéo, la peinture, la sculpture 3D, le bas-relief, la broderie justement. Mm-hmm. Tu sais, ce serait vraiment une façon intéressante d'utiliser le terme caravane, puis que ça devienne... Ça devient bling bling à fond. Oui, un peu comme un cercle qui tourne de ville en ville. C'est vrai. Oui. Donc il y a un univers un peu. Il y a beaucoup d'humour. C'est très ludique. Puis on sent la spontanéité, l'improvisation dans votre travail. Oui, aussi ça s'articule avec peu de moyens. Donc ce serait vraiment possible de recréer ça là. Un peu de bois, puis nous autres on est quelques collaborateurs. C'est intéressant ce que tu dis, Jean-Tienne. En fait, elle vient de nous dire que finalement, on pourrait même inviter les amis qui ont embarqué là, dans la caravane, à se promener. C'est vrai. Des rencontres aussi avec peut-être des artistes locaux à ce moment-là. Là. On réfléchit tout haut comme ça. La commissaire, tu parles, non, je t'inquiète. On réfléchit tout haut comme ça à la radio, mais c'est une belle expo que vous présentez à Espace Parenthèse. Ça donne une autre perspective quand même sur les lieux. Là. J'ai rarement vu les lieux aussi... transformé. C'est vrai. Ouais. Ouais, on est vraiment dans une espèce d'univers là. Je parlais tout à l'heure de post-apocalyptique. On parlait de très primitif. Donc on est transporté dans le temps, dans l'espace. Hey, ça c'est le fun. Parmi les artistes là, qui ont participé, est-ce qu'il y en a qui ont comme développé un point de vue différent sur leurs œuvres? Est-ce qu'il y a eu des belles surprises comme ça là, dans ce momentum de production, de montage? Je pense que tout le monde en est ressorti grandi. Oh, c'est bien dit! Mais pour vrai, il y a certains artistes qui se sont drôlement donnés, qui ont produit des œuvres même pour cette exposition-là, alors que les délais étaient très courts et que nous, on leur demandait pas du tout là, de produire pour ça. On leur demandait plutôt de choisir parmi leurs œuvres, mais ils étaient vraiment super motivés finalement pour le projet. Ils ont produit pour l'expo. Puis d'autres qui ont présenté des œuvres déjà réalisées, qui ont eu justement un nouveau point de vue, une nouvelle façon de présenter, de voir en fait leur propre œuvre, qui ont trouvé ça vraiment le fun. Je pense à Marie-Claude Drolet qui nous disait, tu sais, c'est vraiment chouette, là. Tout à coup, mon œuvre prend vraiment une autre lecture, ouais. Donc ça, c'est comme des bénéfices marginaux vraiment intéressants, je trouve. Il y a une grande générosité des deux côtés, en fait. Tant du vôtre, là, de faire place à tous ces artistes-là, de les inviter dans votre univers, de créer une exposition en collaboration avec eux, mais aussi de la part des artistes de laisser leur travail à cette liberté-là aussi, puis ou de produire des nouvelles œuvres, là, complètement. Mm-mm. Oui, on sait. Un beau partage. Oui, donc un travail dans la collectivité, la générosité, comme disait Annie, l'humilité aussi, hein, parce que dans l'échange, il faut savoir penser à tout le monde avant de penser à soi. Est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent? Est-ce que vous avez déjà des pistes qui commencent à se dessiner là, avec cette première expérience en collectif? Hier, on parlait de fusée puis de voiture, parce que moi et Mathieu, personnellement, on aime beaucoup... Les fusées et les voitures. Ouais, les notions de déplacement, tout ça. Mais pour sûr, non, en tout cas, ce projet-là donne envie de continuer à cogiter, en tout cas, cette formule-là d'expo collective. Donc, à visiter à Espace Parenthèse ou Cégep de Sainte-Foy jusqu'à vendredi. Donc, il reste encore quelques jours là, pour aller voir cette exposition-là. Les heures d'ouverture, on peut continuer aller visiter cette exposition-là le soir là, jusqu'à 8h ou 9h. Là, j'ai pas les informations sous les yeux, mais c'est quand même assez pratique là, pour les travailleurs de pouvoir passer après le boulot. Donc, chers auditeurs, on vous invite, avant de partir à la pause publicitaire, à aller voir cette belle exposition-là. Je vous remercie. Merci Mathieu Fecteau. Merci. Lauriane Thibodeau. Merci. Et Annie-Charlotte Thibodeau. Merci. Passez une belle fin de journée. ckrl.qc.ca. Le 28 avril, les centres de femmes de la capitale nationale, membres de l'ère des centres de femmes du Québec, s'unissent pour dénoncer les impacts des politiques d'austérité sur les femmes et pour réclamer un investissement majeur dans les services publics. Le 28 avril, les centres de femmes de la Capitale-Nationale, membres de l'ère des centres de femmes du Québec, s'unissent pour dénoncer les impacts des politiques d'austérité sur les femmes et pour réclamer un investissement majeur dans les services publics. Pour information, s'adresser au Centre ressources pour femmes de Beauport, au 418-661-3535. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Alors, de retour à l'aérospatiale pour cette seconde demi-heure de l'émission. On va commencer par une entrevue avec Anne-Marie Proulx. Bonsoir Anne-Marie. Salut Gentiane. Donc, Anne-Marie Proulx, tu es co-directrice au Centre Vue. Et je t'ai demandé de venir en studio pour nous parler des expositions qui sont en cours à Vue. Gisèle Amantea et Christopher Boyne qui présentent en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de brièvement juste pour mettre la table, des deux expositions qui sont présentées dans l'espace européen puis l'espace américain. Oui, donc dans l'espace américain, on a le travail de Gisèle Amantea, qui est une artiste de Montréal, qui vient de Calgary, mais qui est installée à Montréal depuis plusieurs années. Elle présente un travail qui s'intéresse à différents lieux puis aux symboles qu'on leur attribue. C'est un travail où elle a parti de différentes images de différents lieux qui se séparent en deux espaces principaux. Le premier espace, en fait, présente différents travaux photographiques à partir d'une photo qu'elle-même a prise pendant un voyage en Syrie, où elle est allée dans un souk à Alep, a pris une photo, puis évidemment, cette image-là a pris une dimension tout à fait nouvelle après qu'elle soit revenue, parce qu'elle est allée avant tout ce qui se passe maintenant. Mm-hmm. Et elle s'est intéressée à comment ce lieu-là est chargé de sens par ce qui s'est passé, mais aussi par différents liens avec d'autres choses qui se passent dans les médias actuellement. Donc, l'image qu'elle a prise devient comme une trame de fond sur laquelle elle ajoute d'autres références à différentes choses qui se sont passées dans le monde dans les dernières années, comme par exemple sur plusieurs des images, on voit apparaître des filles des Pussy Riot. Donc, des références qui sont très éloignées les unes des autres, mais qui viennent se rejoindre dans ces images-là, un peu pour faire référence à comment on reçoit l'information du monde dans notre quotidien. Oui, ben c'est ça en fait, c'est que avec les réseaux sociaux, avec les journaux télévisés, on est de plus en plus exposé à des nouvelles qui viennent un peu partout, qui ont différentes significations aussi. Et puis on les retrouve juxtaposées un peu. Alors c'est un peu ce qu'elle fait l'artiste dans ces images-là, où il y a des petites personnage de Pussy Riot qui évolue dans un marché, un souk à Alep en Syrie. Donc dans l'autre espace il y a une simèse qui découpe l'espace en deux. Dans l'autre espace, on a vraiment une série qui est d'un registre quand même très très différent. L'artiste a l'air de beaucoup aimer travailler avec les contrastes, les éléments qui s'entrechoquent. Oui. Donc c'est une série où quand on a un peu une connaissance en histoire de l'art, on reconnaît quand même assez vite le travail de Piranèse, qui est un artiste graveur du 17e siècle, je crois, 17e ou 18e, qui fait de ces espèces de labyrinthes envahis par la verdure, donc très, très ruine, très, très prison. Et puis, ces ruines là qui s'installent dans des lieux qui, quand encore une fois, ça réfère beaucoup au milieu de l'art, parce que c'est inséré dans des images qui représentent les espaces du Musée d'art contemporain de Montréal. Oui, en fait c'est le hall du Musée d'art contemporain de Montréal. C'est ça. Qui est un lieu assez particulier, en fait, pour ceux qui sont jamais allés au Musée d'art contemporain de Montréal. On entre par une porte de côté, d'une certaine manière, puis il y a l'accueil, puis ensuite il y a un hall qui est très très haut, le plafond est très haut, puis c'est un espace plutôt circulaire avec beaucoup de colonnes qui vont justement vers le plafond, puis il y a un escalier qu'il faut emprunter pour monter jusque dans les salles. Puis, en fait, cet espace-là se veut un peu comme un espace grandiose, espace qui est impressionnant et tout ça, mais de la vie de Gisèle Amantea, en fait, c'est que c'est un peu raté. C'est un espace qui se veut grandiose, mais qui ne l'est pas vraiment. Il donne une sensation d'enfermement aussi, à quelque oui, part. Oui, aussi. Puis, le mot « ruine » que tu as nommé, en fait, c'est quand même quelque chose qui relie toute l'exposition, parce que autant le souk à Alep, on peut imaginer que c'est devenu une ruine, que le musée, pour elle, c'est une forme de ruine, mais un peu métaphorique, dans le sens où le musée... va faire référence à différentes choses qui se passent dans le monde, mais va pas vraiment y agir. C'est comme un lieu qui manque d'agir, qui manque de oui, d'engagement réel avec le monde. Oui, dans un musée, on est un peu dans la conservation. La constatation aussi, on va constater les choses. Puis je pense que dans cette expo-là, c'est un peu ça qui se passe aussi. On constate de différents sujets qui peuvent nous animer, mais c'est pas quelque chose qui nous amène à agir. Un peu comme les médias, on nous informe de troubles qui se passent partout dans le monde, mais ça nous rend pas actifs par rapport à ces choses-là qu'on apprend. Oui, on se sent un peu passif devant toutes ces nouvelles. On peut avoir de la misère parfois à les discerner, sentir être interpellé, surtout quand ça se passe à des milliers de kilomètres de chez soi. Et un troisième élément quand même assez important dans l'exposition de Gisèle Amantea, c'est cette phrase « Hey, jaillit ton hostie de caniche. » Donc cette phrase qui a même le mur avec une couleur qui est quand même blanc cassé, donc qui va presque se fondre à la couleur du mur, une phrase avec une violence quand même c'est une espèce d'insulte si on veut. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'exposition, cette phrase là Ben, en fait, c'est la phrase qui ramène le plus près de l'histoire personnelle de l'artiste. Parce que c'est une artiste qui travaille avec différents médiums, elle a fait une œuvre d'art public à Vancouver qui était un caniche. Puis c'est quand elle a fait cette œuvre d'art public-là, c'est quelqu'un qui lui a dit ça en anglais. Donc, la phrase est traduite en français. Mais c'est quelque chose qui lui a été dit, puis c'est quelque chose qui l'a beaucoup heurté, justement, t'as mentionné le mot violence, là. C'est quelque chose qu'elle a senti beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, ce qui est relié aussi aux différents sujets qui sont abordés dans l'exposition, dont la guerre, les problèmes au niveau des droits humains. Donc c'est là qu'il y a un lien qui se passe. Puis si je peux me permettre une petite anecdote, au vernissage, j'en parlais avec quelqu'un de cette phrase-là, de qu'est-ce qu'elle signifiait. Puis la personne a dit que ça lui faisait penser à quand elle était jeune, que quand elle avait comme des moments un peu plus agressifs, son père lui disait « c'est comme ça que ça commence les guerres ». Puis j'ai trouvé que c'était assez parlant par rapport à la raison pour laquelle cette phrase-là fait partie de l'exposition, parce que c'est vrai que la guerre, ça commence pas comme ça, ça découle de toutes sortes de situations qui fait que la guerre arrive. Donc une exposition de Gisèle Amantea qui est quand même très éclectique dans la forme, mais en discutant comme ça, on découvre que c'est cette notion de violence-là dans la multiplicité de ses formes aussi, qui vient un peu faire sens dans l'agencement des différentes œuvres. Donc, on va passer à l'exposition de Christopher Bourne parce que le temps file. Dans l'espace européen, encore une fois, une exposition est comme assez installative, comme le travail d'Amantea. C'est l'univers marin. On a deux énormes photographies de bateaux en noir et blanc. On a deux textes et deux espèces de triangles colorés. On est encore une fois dans il y a quelque chose de mystérieux quand même dans cette façon d'agencer les œuvres qui sont quand même éclectiques, mais on sent qu'il y a quelque chose de formel dans la mise en espace. D'où proviennent, première question, d'où proviennent ces photographies-là de bateaux? C'est pas l'artiste qui les a prises. Est-ce que je peux me permettre de dévier la question? Oui, oui. Mais en fait, c'est que ce que tu nommes par rapport au fait que c'est éclectique et tout ça, en fait, c'est aussi que ce qui relie les deux expos, il y a ça, mais aussi la question de distance. Tout à l'heure, on parlait de comment Gisèle Amantea travaille avec des éléments qui font référence à des choses qui sont loin de nous, puis que nous, on les voit par le biais des médias. Mais Chris Boyne, il fait un peu le même type de réflexion où il travaille à partir d'images de bateaux qui sont des images historiques. Donc, c'est des images qui viennent de loin. Donc, c'est des travaux qui réfléchissent à comment on interprète les images de sujets réels dont on se sent loin. Donc, ces deux images de bateaux-là, pour revenir à ta question, ce sont des photos qu'il a trouvées dans un genre de marché aux puces ou dans une boîte de photographies anciennes dans laquelle il y avait seulement des portraits. Donc, des portraits, et ces deux photos de bateaux-là. Donc, d'une certaine manière, lui, qui est très inspiré par le monde maritime, parce qu'il vient de la Nouvelle-Écosse, a été vraiment attiré par ces deux photos-là, et il les a vus d'une certaine manière comme des portraits. C'est des portraits de bateaux qui sont dans une boîte de portraits de personnes. Puis, il s'est, normalement, dans sa pratique, il se serait intéressé à trouver l'histoire, justement, de ces deux bateaux-là, d'essayer de trouver par des indices c'est d'où il vient, c'est quoi son histoire et tout ça. Puis lui, il a décidé de faire ça autrement, en fait, pour cette expo-ci. Il a décidé d'inventer une histoire à chacun de ces bateaux-là, qui trouvait relativement équivalent, étant donné que ces deux photos de bateaux qui sont vus de côté, que ces deux photos historiques, il trouvait qu'il y avait une forme d'équivalence entre les deux images, puis il s'est intéressé à créer des histoires qui sont équivalentes aussi à ces deux photos-là. D'où le travail de symétrie qu'on sent beaucoup dans l'installation de l'œuvre. Donc, merci beaucoup Anne-Marie Proulx de venir en studio pour nous parler du travail de Gisèle Amantea et de Christopher Boyne qui sont en exposition actuellement au Centre Vue. C'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine, oui, exactement. Donc, on a jusqu'au 30 avril, dimanche prochain, pour aller voir ces expositions-là. Nous, on part pour une courte pause audio et au retour de la pause, on s'entretient avec Annie Descoteaux. Donc, on écoute un extrait de Yokan Blue. De retour à l'aérospatial, nous avons au bout du fil Annie Descoteaux. Bonsoir. Bonsoir. C'est ton exposition à la Galerie 3 qui a cours en ce moment, une exposition qui s'appelle « Faux mouvement ». C'est ta première exposition, je pense, à la Galerie 3. Oui, exactement. C'est ça, on a commencé à collaborer depuis, en fait, on s'est parlé cet hiver, puis l'exposition, en fait, confirme ma venue dans la belle équipe de la Galerie 3. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, qui est de Québec, d'être représenté par la Galerie 3? Ben, c'est merveilleux. Je trouve que c'est quand même un beau retour dans ma ville qui m'a vu grandir en tant qu'artiste, parce que j'ai quand même étudié au cégep de Sainte-Foy, puis je rêvais. J'ai toujours, tu sais, eu quand même une certaine forme d'ambition, puis je sais pas, c'est très symbolique. Et puis, les œuvres qui sont exposées, c'était essentiellement des collages, donc c'est du papier coloré, découpé, donc c'est pas des collages, je dirais, de magazines de photographie. Non, on pense bien sûr, en regardant ton travail, assez rapidement, le travail de Matisse, bon, à cause des motifs végétaux. Mais moi, ça m'a fait penser, là, en tant qu'historienne de l'art, aussi au constructivisme russe, au Bauhaus, dans la recherche formelle. Est-ce que je me trompe? Non, c'est toujours des choses qui m'habitent, là, des influences que je considère qui sont très importantes pour moi en termes de mouvement, mais aussi ce qui me fascine dans ces mouvements-là, c'est toujours d'essayer de déterrer les femmes qui ont fait partie de ces mouvements-là, mm-hmm. puis de je m'intéresse à leur parcours, parce que je veux dire, c'est sûr que je trouve que c'est des combattantes, puis des pionnières à bien des égards, puis j'essaie un peu de, en empruntant certains langages, de leur rendre une forme d'hommage aussi à travers ça, puis en initiant justement ce type de conversation-là, bien, on peut ramener le faisceau sur certaines de ces personnes. Par exemple, on pense la grille, on va tout de suite penser à quelqu'un comme Agnès Martin, mm-hmm. Mais je m'intéresse beaucoup aussi à Carmen Herrera, à Betty Woodman, qui travaille de façon complètement différente, mais disons que oui, les femmes modernes m'intéressent en général dans la façon de construire ma propre iconographie. Oui, ben on sent quand même aussi dans le rapport au quotidien, je dirais, qui mm-hmm. est comme quelque chose de très exploité par les femmes. Mais ce qu'on sent aussi dans ta pratique, c'est que tu joues beaucoup sur la frontière entre le design et les arts visuels. Est-ce que c'est quelque chose qui est une problématique que tu en fait, quel est ton propos, quel est ton discours à ce propos-là de... Oui. Oui. Ben, en fait, c'est que justement, en parlant des femmes artistes qui ont été des fois un peu négligées par des structures institutionnelles mm-hmm. qui étaient en place à certaines époques, ben, je trouve que déjà en parlant de ça, on peut deviner que je questionne un peu les jeux de pouvoir, les relations hiérarchiques entre les situations, les événements, les gens. Mm-hmm. Fait que c'est la même chose, je trouve, des fois aussi entre les disciplines. Puis, dans le fond, je suis toujours un peu curieuse de voir pourquoi quelque chose prend le dessus sur un autre. Fait que, oui, de convier le design ou des référents à cette autre discipline-là, ben c'est une question aussi de brouiller un peu les pistes, puis de brouiller des fois certaines constructions comme ça hiérarchiques. Je sais pas, c'est aussi une question de sensibilité personnelle. Je suis quelqu'un qui aime les choses qui sont assez ordonnées en général. Fait que je sais pas si ça se traduit quand même dans mon travail d'une façon qui peut évoquer, c'est ça, la rigidité de la grille ou d'autres choses. Mais ce que j'aime, c'est aussi pervertir cet ordre-là, puis venir le déranger avec un chaos qui est à poser par-dessus, mais d'une façon où est-ce qu'on sait plus qu'est-ce qui vient, vu que tout est en aplat, ben les choses sont on sent pas exactement qu'est-ce qui est dessous, c'est que j'aime bien ce jeu-là. Oui, au sens métaphorique, mais aussi au sens matériel. Oui, au sens matériel, on le sent très bien. On sent que tes compositions sont quand même très bien travaillées, très équilibrées, donc parfois d'une espèce de déséquilibre très calculé, hein. Tu parles de chaos, mais aussi des fois c'est un peu un déséquilibre qui peut... Donc il y a des coins qui sont très pleins, des coins qui sont très vides. Ouais, et puis ça me faisait penser, moi je me demandais on dirait quasiment que les œuvres sont réversibles. Est-ce que mm-hmm. tu travailles à plat quand tu fais tes collages? Ben c'est ça, parce que dans le fond tu peux pas travailler comme un peintre qui fait face à son tableau, parce que les formes ils tomberaient. Mm-hmm. Parce que c'est tout en fait la manière que je procède, c'est ça, c'est que je vais découper mes formes, puis je vais me créer comme des éléments, puis des fois je les utilise pas tous, parce que dans le fond je génère du vocabulaire. Fait que c'est la composition au fur et à mesure quand elle évolue qui détermine qu'est-ce qui est intégré ou qu'est-ce qui est rejeté finalement. Puis mais étant donné qu'il n'y a rien qui est fixé tant que c'est pas le geste final, ben je peux pas rien faire autrement que de travailler à plat, mais ça me permet justement cette rotation-là. Je peux tourner autour, je peux le bouger dans tous les sens. Puis, ben, mon but, c'est ça, c'est quand même de créer une sorte de circularité dans la disposition de mon petit chaos qui est pas tellement chaotique, finalement, qui est oui. assez organisé. Oui, oui. Donc, il y a des compositions qui sont quand même des fois audacieuses, mais des couleurs oui. aussi qui sont très audacieuses. Oui. Parce que des couleurs qui, a priori, ont pas l'air de vouloir fonctionner ensemble, mais tu réussis quand même à faire des juxtapositions qui sont assez, bon, harmonieuses, je dirais. Oui. Comment tu travailles ton agencement des couleurs? Ben, c'est sûr que pour moi, la couleur, ça reste quand même que c'est quelque chose qui est très subjectif parce qu'on voit pas nécessairement tous de la même façon. Je suis sûre que mon rouge n'est pas nécessairement aussi vibrant c'est ou vrai. Ce qui est plus terne que le tien. J'avoue que c'est difficile à déterminer. Pour ça, la couleur, je trouve ça dur parce que c'est très, très personnel. Mais en même temps, ce que j'essaie de vivre quand je travaille avec mes cartons, c'est je sors des tiroirs avec plein de retails et de choses différentes. Puis, j'essaie de faire des tests, des agencements, puis si je sens que ma rétine est contente, qu'il y a une sorte de vibration qui se produit, bien souvent, c'est un signe de match parfait, on va dire. C'est que je vais souvent essayer d'exploiter ma propre réjouissance par rapport aux couleurs. Mm-hmm. C'est quand même comme une porte d'entrée aussi vers mon travail, parce que, dans le fond, il y a comme un appel au sens, puis à la sensualité, mais au plaisir aussi, parce que c'est vraiment un rapport esthétique. Fait que moi, en le vivant, je cherche quand même à le transmettre aux autres, puis peut-être à faire entrer les gens dans mon univers. C'est comme mon apport d'entrée, c'est ça, c'est mon ticket d'entrée pour approcher le travail, puis c'est ça, faire le rendre accessible finalement. Mm-hmm. Ouais. C'est quand même, c'est ça, c'est vraiment un jeu d'essais-erreurs, puis quelque chose de très subjectif. Oui. Dernière question, mais ça fait quand même quelques années que tu poursuis ta démarche artistique, puis j'ai fouillé un peu ton travail antérieur, mm-hmm. puis tu avais l'habitude de travailler aussi avec des motifs très choquants, des images oui. de sexualité explicites, puis oui. Dans ton travail plus récent, l'humour est plus subtil, des ambiances qui sont tout aussi ambiguës, mais beaucoup moins dérangeantes. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu expliques toi-même comme transformation dans ton travail artistique? Oui, oui. Ben, je pense que ça fait partie d'un cheminement à la fois personnel puis artistique. Puis, en fait, c'est ça, c'est que c'est aussi de me rendre compte que finalement, avec l'utilisation, mettons, du corps ou de parties d'anatomie qui sont identifiables du premier coup d'œil, ben, je trouve mm-hmm. que c'est un peu donner au spectateur le message dans son entièreté sur un plateau. Puis, j'ai quand même envie de convier le spectateur ou le lecteur à une forme de jeu. Puis si je lui donne toutes les réponses tout de suite, ben il y a plus de mystère, il y a plus d'ambiguïté justement. Puis je trouve que j'avais envie de complexifier un peu la tâche, puis d'essayer de parler plus en hyperbole ou en métaphore ou utilisant un langage qui est plus poétique. Justement pour m'ouvrir mon champ de possibilités, parce qu'à un moment donné, c'est redondant, puis je trouve que même moi, je me suis lassée un peu de ce rapport-là aux imageries. Je trouvais qu'il y avait une facilité là-dedans qui faisait que c'était déconcertant, parce que, mettons, moi, je commençais à évoluer puis à vouloir me diriger vers d'autres choses, puis on me ramenait toujours à ces œuvres-là, puis c'est comme si la lecture de ces œuvres-là était assez du premier degré, mm-hmm. mais c'est une question d'évolution aussi. Je trouve que l'art, c'est comme un langage, c'est les premières tentatives, mais c'est ça, c'est à travers mon intérêt pour le spectateur, je voulais tellement être certaine, tu sais, que les gens comprennent que c'est ça, c'est qu'il y avait une sorte de générosité, mais une sorte de surenchère, puis tu faisais que les choses se dévoilaient du premier regard, mais c'est ça, c'est que ça. Après, la conversation est fermée, puis il n'y a plus possibilité de faire cogiter un peu. Fait que je voulais me stimuler moi-même dans l'éventail de mes formes, mais aussi, c'est que je voulais pas prendre le lecteur pour un idiot non plus, puis je voulais lui-même lui donner un peu de travail à faire de son côté. Oui, bien, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, tes œuvres qui sont maintenant un peu plus ambiguës oui. qu'auparavant. Donc, on peut voir ton exposition à la Galerie 3 jusqu'au 7 mai. Merci oui. beaucoup, Annie Descroteaux. Mais ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, on va écouter un court extrait de The Sky and Noise Beats et je vous reviens avec l'agenda de la semaine. Alors, cette semaine, jeudi, il va y avoir le vernissage de l'exposition Décaré, c'est les finissants en photographie du CFP Maurice Barbeau. Ça va être à la bibliothèque Monique Corriveau. Vendredi, deux vernissages, donc un triple vernissage du côté de Lévis à Regard. Donc, une exposition collective intitulée « Cas d'absence » avec les œuvres de Claire Burelli, Simon Bello et Caroline Moxion. Et également, une exposition intitulée « Je suis Sisyphe ». Donc, une exposition dans la vitrine des membres de Jean-François Lahosse et Garde-fou de Marie-Fauve Bélanger et Marianne Cloutier dans l'atelier commun. Donc, le vernissage commence à 5 heures. Du côté du lieu, dès 19 heures, il va y avoir une exposition très, très mystérieuse qui commence. Je cite le communiqué. Le lieu présente une exposition solo du 28 avril au 21 mai. Le vernissage se tiendra le 28 avril à 19 h au 345 rue Dupont. Donc, à découvrir. Samedi, du côté de la galerie Lacerte, dès 14 h, il va y avoir le vernissage de l'exposition de Marc Garneau. Œuvre choisie de 2005 à 2015. Et c'est la dernière semaine pour voir les expositions dont on a parlé aujourd'hui, donc du collectif Caravane Bling Bling et les expositions au Centre-Vue. J'aimerais, en terminant, remercier nos invités, Lauriane Thibodeau, Mathieu Fecteau, Anne-Marie Proux et Annie Descôtés. Et un gros merci à notre chroniqueuse Annie-Charlotte Thibodeau. Un merci à Jacques Gignac, notre Vassili Kandinsky de la mise en onde. Et la semaine prochaine, on va recevoir entre autres en entrevue David Naylor pour son exposition à la Galerie des Arts Visuels. Ne manquez pas la Croche-Oreille, notre émission Cousine, le dimanche à 21h, toujours sur les ondes de CKRL, animée par Gaétan Gosselin. Demeurez à l'écoute de l'autre côté de la pause publicitaire. Il va y avoir l'émission Situation Critique avec Pierre Blais et sa joyeuse équipe. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1. CKRL. Québec. Le samedi 29 avril, la Maison de la littérature présente Le chemin qui marche, une soirée d'escale littéraire sur le Saint-Laurent. Ce voyage polyphonique sera ponctué, entre autres, des mots de Joséphine Bacon, Dany Laferrière, Germaine Guévremont, Nicole Brossard et Jacques Poulain. Le tout lu par Lise Gauvin et Pascal Montpetit. Au cœur du Vieux-Québec, la Maison de la littérature. Votre maison pour écrire, lire, vivre. Le 1er mai, la Coalition pour la justice sociale de Québec vous invite à participer à une marche afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et travailleuses. Pourquoi le 1er mai? Cette journée sert à commémorer les gains obtenus par le mouvement ouvrier. Pourquoi un salaire minimum à 15 $ de l'heure? Parce que le salaire minimum actuel ne permet pas de couvrir ses besoins fondamentaux. Parce que 58 % des personnes travaillant au salaire minimum sont des femmes. Parce que le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses du Québec s'est détérioré depuis 1970. Le 1er mai, soyons solidaires. Rendez-vous à compter de 17h30 à la place de l'Université du Québec, boulevard Charest-Est à Québec. Départ de la marche à 18h30. Le 10e numéro de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture signée Aubaume, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline Soucy nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnais tremble face à un écureuil carnivore. Et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques bouffe de Cyril Doisneau et cinéma de Julie Delporte. La revue Planche, en librairie dès maintenant. L'Orchestre symphonique de Québec rend hommage aux grands compositeurs russes Tchaïkovski, Prokofiev et Stravinsky. Au cœur du programme de ce concert, la très émouvante symphonie numéro 6, œuvre ultime de Tchaïkovski, d'une profondeur émotionnelle poussée à l'extrême. C'est un rendez-vous au Grand Théâtre de Québec ce mercredi 26 avril en soirée et jeudi 27 en matinée. Tous les détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Je suis une victime de violences amoureuses, une victime du sexe. Parfois, j'aimerais être Rousseau, Helvétius ou Voltaire, une tête dure de ce genre. Moi, je change d'avis lorsqu'une femme entre. Les idées me frôlent et me bousculent. Je me réveille pour, je m'endors contre. Maudite molécule. Alors, nous disions la morale. Avec Éric, d'Éric Emmanuel Schmitt, mise en scène par Nancy Bernier et présenté au Théâtre du Conservatoire du 7 au 12 mai. Billets, 10 $, 5 $ pour les étudiants. Réservation au 418